Mais quelques instants plus tard, Valère, chevalier romain, apporte d'autres nouvelles en présence de Camille, dont il est amoureux vainement. Le vieil Horace. Quoi ? Rome donc triomphe ? Valère. Apprenez, apprenez la valeur de ce fils qu'à tort vous condamnez. Restez seul contre trois, mais en cette aventure, tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure, trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d'eux, il sait bien se tirer d'un pas si hasardeux. Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse divise adroitement trois frères qu'elle abuse. Chacun le suit d'un pas, ou plus ou moins pressé, selon qu'il se rencontre ou plus ou moins blessé. Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite, mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite. Horace, les voyant l'un de l'autre écartés, se retourne, et déjà les croit demi-domptés. Il attend le premier, et c'était votre gendre. L'autre, tout indigné qu'il ait osé l'attendre, en vain en l'attaquant, fait paraître un grand cœur. Le sang qu'il a perdu ralentit sa vigueur. Albe, à son tour, commence à craindre un sort contraire. Elle crie au second qu'il secourt son frère. Il se hâte et s'épuise en efforts superflus. Il trouve en les joignant que son frère n'est plus. Camille, hélas. Valère. Tout hors d'haleine, il prend pourtant sa place et redouble bientôt la victoire d'Horace. Son courage sans force est un débile appui. Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui. L'air résonne des cris qu'au ciel chacun envoie. Albe en jette d'angoisse, et les Romains de joie. Comme notre héros soit près d'achever, c'est peu pour lui de vaincre. Il veut encore braver. J'en viens d'immoler deux aux mânes de mes frères. Rome aura le dernier de mes trois adversaires. C'est à ses intérêts que je vais l'immoler, dit-il. Et tout d'un temps, on le voit y voler. La victoire entre deux n'était pas incertaine. L'Albin, percé de coups, ne se traînait qu'à peine, et comme une victime aux marches de l'autel, il semblait présenter sa gorge au coup mortel. Aussi le reçoit-il, peu s'en faut, sans défense, et son trépas de Rome établit la puissance. Le vieil Horace. Ô mon fils, ô ma joie, ô l'honneur de nos jours, ô d'un état penchant l'inespéré secours, vertu digne de Rome et sang digne d'Horace, appui de ton pays et gloire de ta race, quand pourrais-je étouffer dans tes embrassements l'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments? Quand pourra mon amour baigner avec tendresse ton front victorieux de larmes d'allégresse?